Chapitre 3e. La calèche roulait sur la grande avenue du Bois de Boulogne, bordée d'arbres au feuillage touffu. Le ciel, d'un bleu d'azur, était splendidement éclairé par un soleil éclatant qui dorait les clairières du bois, des tons les plus chatoyants et des teintes les plus vives. C'était une journée magnifique. Aussi, l'affluence du monde fréquentant habituellement ce lieu était-elle considérable. Maria m'avait déposé sur un des coussins de la voiture à côté d'un flacon et d'un mouchoir garni de dentelles, et causait amicalement avec Maxime, qui avait mis son cheval au pas et se tenait près de la portière de gauche de la voiture. La route était sillonnée de voitures, de chevaux, d'équipages de toutes sortes, de brillants cavaliers et de jeunes femmes élégamment parées, échangeaient en passant près de Maxime et de Maria des saluts et des sourires. Mais ceux-ci paraissaient ne prêter qu'une très médiocre attention à ce qui se passait autour d'eux. Maxime ne perdait pas de vue Maria et cherchait à lire sur son visage la cause d'une légère impatience qu'elle ne pouvait parvenir à dissimuler complètement. Car ses yeux semblaient chercher quelqu'un dans la foule des promeneurs, et tout en parlant à Maxime, son regard perçant interrogeait l'espace au grand déplaisir de ce dernier. Or, depuis un moment, un jeune homme vêtu avec recherche et monté sur un cheval Isabelle suivait à quelques pas de distance seulement la voiture de Maria, et tout en affectant de regarder de côté ou d'autre avec la plus grande insolence, il était aisé de voir qu'il examinait attentivement jusqu'au moindre mouvement de Maxime et que la présence de celui-ci auprès de Maria le contrariait visiblement. Maria, mécontente de ne pas rencontrer au bois la personne qu'elle pensait y voir, tourna par un brusque mouvement sa tête en arrière et remarqua le jeune homme qui suivait sa voiture. C'était lui qu'elle cherchait, mais en le voyant si près de Maxime, ses joues s'empourprèrent, son regard s'anima. Dans le regard qu'elle avait échangé avec le nouveau venu, se peignaient le plaisir et la crainte. Elle avait vu sur sa physionomie briller une expression de dépit concentré et de jalousie dont elle craignait l'explosion. Maxime ne s'était aperçu de rien. Deux de ses amis l'avaient arrêté et l'entretenaient d'une chute que venait de faire le cheval de l'un d'eux. Le jeune homme au cheval Isabelle profita de cet éloignement momentané, qui laissait la voiture seule et, pressant sa monture, il s'approcha de Maria. Celle-ci, un moment interdite, se remit bientôt et lui dit rapidement « Silence, Georges, taisez-vous. » Puis, me saisissant avec précipitation, elle me présenta à lui. Déjà la main du jeune homme s'ouvrait pour me saisir. Maxime, qui venait d'arriver près d'eux, s'empara tout à coup de moi avec une violence telle que j'en ressentis une douleur aiguë et qu'une partie de mon feuillage resta aux mains de Maria, pâle et émue. Je crus que la vie allait m'abandonner. Maxime serrait ma tige avec force et me replaça à la boutonnière que j'avais déjà occupée. « Monsieur, dit le jeune homme d'une voix tremblante de colère, cette fleur est à moi. »« Venez donc la prendre, dit froidement Maxime. Son interlocuteur, dominé par la fureur, voulut m'arracher de la vie de Maxime, mais ce dernier lui arrêta le bras. « Pas d'esclandre, monsieur. Si vous voulez cette rose, veuillez la faire demander chez moi demain matin. » En achevant ces mots, il tira de sa poche un porte-note en ivoire et en retira une carte qu'il offrit au jeune homme. Celui-ci la prit et lui remit la sienne en échange en lui disant « Vous avez raison, monsieur. À demain donc. » Et il partit dans une direction opposée. Maxime s'approcha de la voiture et, saluant Maria, « Nous nous reverrons plus tard, madame. » Et mettant son cheval au trot, il disparut. Quant à moi, je tombais dans un état d'anéantissement complet.